bienvenue dans votre émission Le Top du Portugal sur Radio RTR. Alors, vous m'entendez tous, je m'entends pas du tout. C'est des problèmes techniques quand on démarre juste l'émission. Et voilà, je m'entends vachement mieux, c'est mieux, merci. Bienvenue ce dimanche 21 juin, ce dimanche un peu particulier, dimanche de fête de la musique et aussi dimanche de fête des pères. Mais pour animer cette émission ce matin, je ne suis pas toute seule, je suis comme d'habitude avec Ricardo. Bonjour Ricardo. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça va. Jour le plus long de l'année. Exact aussi. Bonne fête papa. Fête de la musique. Il y a beaucoup de fêtes aujourd'hui. Et on est aussi avec Eric qui est là ce dimanche matin. Salut Eric. Bonjour. Ça va? Oui, ça, on t'entend super loin. Mais je suis loin. Mais il est loin déjà. Mais il est toujours pas arrivé. Il faudrait un escabeau pour atteindre son micro là, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que c'est un peu loin. Voilà, vas-y, récupère le micro. Ça va mieux là maintenant? Ah oui. Je me suis rapproché. Comment ça va ce matin? Ça va, écoute. Dimanche 21 juin, dimanche un peu particulier. Dimanche de fête de la musique, de fête des pères, comme disait Ricardo, du plus long jour de l'année, mais aussi un peu le premier jour de l'été, c'était hier. Donc du coup, c'est les premiers jours également de l'été. Et pour ce faire, en ce dimanche un peu particulier, on a mis une publication sur Facebook pour que vous puissiez nous envoyer vos messages pour vos papas. Et nous, on le dira directement à l'antenne. Et voilà. Et est-ce que toi, Ricardo, tu as un message pour ton papa? Bonne fête, papa. Voilà. C'est pas bonne mal fête. Pour dire bonne fête à son père. C'est voilà. Est-ce que tu crois qu'il nous écoute? Absolument pas. Ah, pour moi, ça sert un peu à rien. Il est en Corrèze. Non, il m'écoute pas du tout. Et il pourra pas m'écouter faire le sport cet après-midi, tout à l'heure, à 10h30. Exactement, parce qu'il y a la rubrique sport. Encore une fois, on est dans un studio reconditionné, dans un studio déplacé pour vous proposer une émission en ces temps encore un peu particuliers. Donc, du coup, on s'excuse de tous les dommages techniques. Peut y avoir. on arrive, c'est bientôt le déconfinement, on est en plein déconfinement. Mais on s'en sort pas mal, mais juste vous ne pouvez pas nous contacter via téléphone, mais vous pouvez quand même nous contacter via les réseaux sociaux. Comment on fait pour nous contacter, Ricardo? Alors, trois moyens, le Facebook de l'équipe, RTF Limoges, le top du Portugal. Deuxième moyen, le Snapchat de l'équipe, le TDP RTF95.4. Et le troisième moyen, le top du Portugal sur Instagram, voilà, tout est dit. Tout est dit, vous pouvez quand même nous contacter, rentrer en communication avec nous et nous laisser vos messages pour vos papas. On ne va pas vous rappeler le numéro de téléphone, comme on vous le disait, on n'est pas en studio, donc on n'a pas la possibilité de vous répondre. Eric ne se fera pas ce plaisir. Et du coup, il a une tâche en moins là depuis le déconfinement. Oui, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus en difficulté, même avec une tâche en moins. Et vous m'avez mis 3 PC ce matin. Oui, j'en c'est avais vrai déjà que là... 2. Alors là, 3, c'est pas possible. Bah, c'est incroyable. Studio... C'est un vrai studio de radio dans un salon au milieu d'une maison, mais ouais. C'est un vrai studio radio quand même. On va partir en musique parce que oui, le TDP, que tu sois prêt, hein. C'est aussi la fête de la musique. Prêt, c'est aussi de la musique, mais on est aussi à la fête de la musique. Donc du coup, peut-être qu'Eric nous a préparé quelque chose de spécial. Oui. Pas du tout. Oui. Oui. Non, il nous a préparé de la musique parce que c'est la fête de la musique et parce que le TDP, c'est de la musique. Il n'y a pas de souci, on va mettre de la musique. Et on part avec quoi? Avec de la musique. Okay. Et on part avec qui? Avec moi. Volé Cassine. Alors restez bien à l'écoute sur le top du Portugal, www.rtflimoges.com ou 95.4 en FM. On se dit à tout à l'heure. Bonne fête des papas à tous. Parte do que fui já não sou. Revelaste nosso amor. Acreditei que eras tu quem quebrava este feitiço. Esta sim, este sofrer. Por pensar demais em ti, eu esqueci de lembrar de mim. Give me some good around. Eu não resisto, menina de saia curta, corre o cabelo ao vento, até a noite acabar. Vem comigo, vai lá. Não aguento mais ver ela passar, morena bonita, vem comigo ficar. Grande festa nesses parras, a dama no comparra. São queridos só pra mim e nunca vi uma dama assim. Esta festa tá bonita, quem está nem atrevida? Cê quer ver o que é bom, DJ? Põe o som, é bom, bom, bom. O Pipo está louco, os olhos em ti. A mexer esse corpo, menina, que eu nunca vi. És dona da festa, és dona de mim. A festa assim não acaba, a festa assim não tem fim. Está caindo, está. Amada, que tudo ouvi. Cada festa, ninguém me ouvia. Anda, vem pra cá. Lambada, tudo eu ouvi, a festa está muito gira. Temporal, por isso eu fiquei assim e

meu anel vais cantar sozinho. Este baile é poesia, quem o canta em unidade vai sentir a nostalgia e depois fica a saudade. Deixem passar esta linda brincadeira que a gente vamos barrar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. To get there, let's take the scenic route. Madeira, the island with the beauty that you dream about. Pearl of the Atlantic, straight from the lava. The vibe of the people taking over now, it's gotcha. Blue skies, sunsets, cliffs, what a combo. People are gifted like Max and Ronaldo. Every sight's a highlight, I'm not even playing. So be there for the next New Year's celebration. Deixem passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. De retour dans le top du Portugal ce matin, dimanche 21 juin, pour la fête des papas et la fête de la musique. Il faudrait encore une fois que vous me mettiez un peu de retour les techniciens là. D'accord. C'est bon. Tu te débrouilles, tu parles, c'est tout. Ouais, c'est bon. Ça. Tu t'entends pas, c'est pas grave. Il faut que t'habitues. Non. Tu sais ce que tu dis au moins. On reprend du coup l'antenne pour encore une fois fêter la fête à tous les papas. N'hésitez pas à nous laisser tous vos petits messages et nous les dirons à l'antenne et on pourra peut-être faire quelques dédicaces. Dernière news qui date de ce matin, qui est pas très réjouissante. On déplore le décès de Pedro Lima, qui est un acteur au Portugal. Super connu. Et qui avait 49 ans, donc un très jeune acteur. Donc voilà, c'était la nouvelle. Il était nécessaire que l'on puisse en parler et que l'on puisse aussi présenter toutes nos condoléances à la famille et à tous les fans qui le suivaient. Ricardo, est-ce que tu es prêt pour ta rubrique ? Non, je rigole. Bien évidemment que je suis prêt. De sport pour tout. Alors on t'écoute. Alors, le classement, il y a du à mudanças. Il y a du changement. Alors, on va partir. Je vais vous dire les résultats de la semaine dernière déjà. O Marítimo gagnou 2-1 contre o Gil Vicente. O Santa Clara empatou 1-1 contre o Portimonense. O Desportivo das Aves empatou 0-0 contra o Porto. O Paço Ferreira ganhou 2-1 contra o Belenenses. O Benfica ganhou 2-1 no Rio Ave. Boa Vista ganhou 3-1 contra o Vitória de Setúbal. O Sporting ganhou 2-0 contra o Tondela, o Guimarães empatou 1-1 contra o Moreirense e o Vila Nova de Famalicão empatou 0-0 contra o Braga. Hoje, há futebol, o Gil Vicente joga às 10 horas contra o Desportivo das Aves, amanhã o Portimonense joga contra o Marítimo, dia de São João o Porto defrontará às 10h15 o Boa Vista, o Derby de Porto. O Benfica joga contra o Santa Clara, o Vitória de Setúbal joga contra o Rio Ave, o Tondela joga quarta-feira contra o Paço Ferreira, o Moreirense contra o Vila Nova Famalicão, quinta-feira o Braga recebe o Vitória de Guimarães e sexta-feira o Belenense recebe às 8h15 o Sporting na qualificações. Eu já me ia arrivar a dizer isso. Qualificações. Vou conseguir. O Benfica pega a frente da Liga NOS com 64 pontos, empatado com o Porto. o Sporting terceiro com 49 pontos, o quarto o Braga, que perde uma praça, com 47 pontos. Os dois últimos fica... O que é que foi? Vas-y, continue. Voilà, il a perdu le micro. Attends, parce qu'en plus, il voulait faire une remarque très pertinente. Il faut juste appuyer sur le bouton. Qui c'est qui m'a mis mon micro en off? Uma praça. J'ai dit quoi? T'as dit uma praça. Oui, c'est ça qui va pas. Ah, c'est ça, c'est uma. C'est dans le dictionnaire, ça? Non, je pense pas. Je pense que ça s'appelle en lugar. En lugar, ah oui, c'est vrai. Bravo. Et les deux dernières, opportunément, c'est le sportif des Arches. Merci, muito obrigado. La prochaine fois, il faudra allumer le micro, s'il te plaît, pour intervenir. Mais c'est quand on a un technicien, c'est nouveau maintenant. Non, oui, on a un ingénieur du son, c'est différent. Oui. Pas ce qu'il a fait. Et voilà, c'est bon, c'est à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, bonne fête papa et bonne fête maman de la semaine dernière. Ou d'il y a deux semaines, je ne sais même plus. Ouais, ou d'il y a trois semaines. Oh, de toute façon, c'est la fête des pères aujourd'hui. N'oubliez pas le TDPRTF 95.4 pour le Snapchat. Ça, je vais y arriver aujourd'hui. Oui, c'est dur. Et l'Insta? Et le top du Portugal sur Instagram, voilà. Et le Facebook. Le top du Portugal. Mais bon, je suis pas maître du Facebook. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est lui qui se gère tout seul. Oui, c'est ça. Il fait des trucs bizarres des fois. Il est indépendant. C'est ça. Du coup, vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux sociaux. Puisque vous pouvez pas nous contacter par téléphone, on le rappelle, on n'est pas en studio. Donc du coup, n'hésitez pas à nous contacter simplement sur les réseaux sociaux. Nous faire part de vos dédicaces et de vos petits messages pour vos papas. En ce jour de fête des pères, dimanche 21 juin, en ce jour de l'été, en ce jour le plus long de l'année. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on va repartir en musique, Eric? Bien sûr. Et est-ce qu'on va repartir avec une dédicace? Ah, celle-là, c'est une musique très très spéciale. Oui, elle est demandée régulièrement, il me semble. Ah oui, c'est un monsieur, il me dit, il faut que tu me mettes le monsieur à moustache. Oui. Et la chèvre, il me dit. La chèvre. Alors on va mettre la chèvre. Je sais qu'il est assis bien paisiblement du côté des saveurs du Portugal en plus. Qui nous écoutent tous les dimanches matin et qui retransmettent notre émission. Donc un coucou à Polo et Paula. Et un coucou évidemment à tous les restaurateurs, à tous les magasins, à tout ce qui est portugais sur Limoges en fin de compte. On part avec cette dédicace, on peut le dire, à Philippe. Merci de nous suivre tous les dimanches matin. Et restez bien à l'écoute sur Radio RTF 95.4 ou www.rtflimoges.com. On se retrouve tout à l'heure. Em tudo que tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adora luxo e o bem-estar. Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Minha mãe não tinha

gosto de mim, não posso suspirar jamais. Por isso o espírito foi por ter mais. Eu de mim, não posso suspirar jamais. Compartir un momentito porque bailar es tan lindo. Olvidar y regresar, sonreír y perdonar. Vayano, trabajando, cantando es más feliz. Aprovechar los días, limitar las tonterías. Esperar y encontrar fuentes de maravillas. Ahora dejar la música, sembrar tu energía rica. Por ti suspiro, he partido más. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Por ti suspiro, he partido más. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, eu por ti vou mais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, eu por ti vou mais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, eu por ti vou mais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Rapaziada, o seu olhar seduziu aqui a rapaziada. Todos correram atrás para com ela falar. Mas quem será o rapaz que a irá conquistar? Mas quem será que a irá conquistar? Vai ser o da concertina. Quem lhe ouvi na palheta, se ela baixar, quem lhe ouvi na palheta. Mas pode ser o baixista. Vai tocar-se lá embaixo, se ela baixar, vai tocar-se lá embaixo. Ou aqui o baterista. E o mestre da baqueta, se ela baixar, é o mestre da baqueta. Sou eu quem vai levar a melhor. Sou eu quem vai provar o seu sabor. Sou eu vou lhe tirar a notícia. Sou eu lá na que traz a carrinha. Para a falta de mestria. Já não há paciência para a falta de mestria. Todos correram atrás para com ela falar. Mas quem será o rapaz que a irá conquistar? Mas quem será que a irá conquistar? Vai ser o da concertina. Quem lhe ouvi na palheta, se ela deixar, quem lhe ouvi na palheta. Mas pode ser o baixista. Vai tocar lá embaixo, se ela deixar, vai tocar baixo lá embaixo. Ou aqui o baterista. Se ela

historia del amor. Sí, pero te amo. Ahora, así. Quiero bailar contigo. Quiero más de tu boca. Amar-te mais, beijar-te mais. Eu quero mais de ti. Quero mais a tua loucura. Só tu sabes dar-me beijos com ternura. Quero seguir teus sonhos sempre tão reais. Quero sentir a vida com muita paixão e amor. E amor por ti. Estar sem ti, quero mais tua loucura. Loucura agora. Só tu sabes dar-me beijos com ternura. Quero sentir. Agentes da burguesia vinham a Pias à feira e toda a gente queria um carneiro de primeira. E lá vinham as donzelas para comprar o mais gordinho. Nunca pensariam elas que vinha foda a caminho. Vamos à foda, vamos à foda. Gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, vamos à foda. A boa foda e Pias de Monção. Vamos à foda. Vamos à foda em Pires de Monção. O peso é que ditava o porte do animal. De tanto beber inchava de uma forma natural. Uma pitada de sal torna o pasto apetitoso. Dava sede ao animal para torná-lo mais formoso. Vamos à foda, gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, vamos à foda, a boa foda e pias de emoção. Vamos à foda, vamos à foda, gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, vamos à foda, a boa foda e pias de emoção. É assim que reza a lenda desta nossa iguaria. Com o nome ninguém se ofenda, coisas da gastronomia. O carneiro a pingar no arroz com açafrão. Dá para lavar à foda que pias de mãozão. Vamos à foda, vamos à foda. Gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, vamos à foda. A boa foda e pias de mãozão. Vamos à foda. Gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, vamos à foda. A boa foda em pias de Monção. Vamos à foda, vamos à foda. Gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, a boa foda em pias de Monção. Vamos à foda, gastronomia, história e tradição. Vamos à foda, vamos à foda, a boa foda em pias de Monção. Numa casa portuguesa, com certeza, em quarentena, é nossa casa. De quarentena, mas com alegria. Numa casa portuguesa fica bem o marido a pôr a mesa. Ninguém bate à nossa porta, ainda bem, porque a gente já está tesa. Fica bem esta ciência, fica bem ter paciência e ter cuidado. A alegria da virose é beber mais uma dose e depois cair para o lado. Quatro batatas com prato, um cheirinho ao bacalhau. Um minuto mais barato, pão centeio e ao pau. Quando isto acaba não vejo e o dinheiro está por um fio. Não se pode dar um beijo, nem pagar ao senhorio. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O conforto é muito pouco em quarentena, cada um em sua cama. O sofá e a TV são no cinema, e nem se despe o pijama. O sabonete e o gel são o sabão, a cozinha, a oficina. Só saímos da aflição quando chegar o verão, vou criar em a vacina. Quatro batatas no prato, um cheirinho a bacalhau. Um vinho do mais barato, pão centeio e é um pau. Quando isto acaba não vejo e o dinheiro está por um fio. Não se pode dar um beijo, nem pagar ao senhorio. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa. É de manhã e vejo-te a dormir. Esse cabelo ganho tempo a viajar. Em ti me perco assim, desejo cá ficar por ti. Conto os minutos para te perguntar, roubaste o brilho à lua, ao céu e ao mar. E a vida é bem melhor contigo ao pé de mim, assim. Será que é paixão? Será que é o amor em construção? Vais ver que o nosso amor é lindo e tão maior que a vida há de regar em ti tudo o que eu vi. Olha em teu redor, cara flor do meu jardim. Vais ver que o nosso amor é lindo e tão maior que a vida há de regar em ti tudo o que eu vi. Depressa vi a vida acontecer, mais perto de saber o que é o amor. Em ti me perco assim, até me falta o ar. Será que é paixão? Que é paixão? Será que é o amor em construção? Ah, olha em teu redor, para fora do meu jardim. Vais ver que o nosso amor avec Chouti Montabé. Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem e continuar. Às vezes basta uma palavra para soltar a raiva e enlouquecer. Por vezes és tu, outras sou eu, e o que se viveu não é fácil. Thank you. às vezes basta outra imagem para soltar uma lágrima e duvidar. Tu sabes, eu tenho saudades, oh, tantas saudades de te ver sorrir. Um dia, talvez amanhã, em pezinhos de lã, o amor vai voltar um dia, talvez amanhã, em pezinhos de lã. Às vezes basta uma imagem, às vezes basta uma palavra. Agarradinhos, tu me esfrega, esfrega, a gente mal podia mexer com os pés. De madrugada o calor apertou, a luz quase apagou, mas isso não deu em nada. A mulherada nessa confusão gritava, tira a mão para a rapaziada. Era mal naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava, era que vai o bom. Era mal naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Eu fui a um baile lá para trás dos montes, o acordeonista era bom demais. O bailarico lá no chão batido, era bom demais. O bailarico lá no chão batido, e a iluminação era candeia a gás. Eu nunca vi um baile tão gostoso em um salão lotado de mulheres. Agarradinhos, tu esfrega, esfrega, a gente mal podia mexer com os pés. De madrugada o calor apertou, a luz quase apagou, mas isso não deu em nada. A mulherada nessa confusão gritava, tira a mão para a rapaziada. Era mal naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava, é naquele baile bom. Era mal naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Era mal naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava, é naquele baile bom. Era mal aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Menina, como é que vais? Que prazer dá cá um beijo. E a família lá em casa, há muito que eu não os vejo. E os animais lá da quinta, conta-me como é que vai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro do teu avô, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar, tentei muitas vezes, nunca consegui mudar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Que para se dá cá um beijo. E a família lá em casa, há muito que eu não os vejo. E os animais lá da quinta, conta-me como é que vai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro do teu avô, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar, tentei muitas vezes, nunca consegui mudar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. O cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Faltam-me as palavras para dizer-te o que sinto. Faltam-me os poemas que descrevam o meu sentir. Por isso me calo, deixo falar os sentidos. Pois tudo o que eu disser ainda é pouco para ti. Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais, comparado àquilo que eu sinto por ti. Palavras para dizer-te o que sinto. Faltam-me os sorrisos que mostrem como estou feliz. Pelas frases bonitas que eu invento, quando em nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero mais. Digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais, comparado àquilo que eu sinto por ti. Faltam-me as palavras, faltam-me as palavras. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais, quis me ensinar a manejá-la com jeitinho. Tinha de pegar nela, apontar bem ao alto e acertar no buraquinho. Se a tropa, fui à tropa e não passei de uma gala. Mas entrava na caserna, todos batiam a pala. Se a tropa, fui à tropa, como eles eram bonzinhos. Desde que ao general, queriam todos dar tirinhos. Estava eu a tomar banho. Foi ser mais linda. Gostei da brincadeira e até disse uns palavrões. Mas quando ele insistiu, eu tive de lhe dar um pontapé no... nos tendões. Fui à tropa, fui à tropa e não passei de uma gala. Mas entrava na caserna, todos batiam a pala. Fui à tropa, fui à tropa, como eles eram bonzinhos. Desde que cabo ao general, queriam todos. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Et de retour dans votre émission Le Top du Portugal sur Radio RTF 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com. On est toujours là, encore là pour cette journée du 21 juin. Journée de fête des pères, journée de l'été, journée de fête de la musique. Et je suis pas toute seule encore, il y a encore Ricardo qui est là. Je suis toujours là, jusqu'à la fin, jusqu'à midi. Et avec un temps mitigé, c'est dommage. Oui. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on le rappelle, le Snap. Le TDP RTF 95.4, Instagram, le Top du Portugal, ou le Top du Portugal sur Facebook. Exactement, vous pouvez nous contacter, on est en direct, on avait un petit problème technique, le téléphone tombe. On est aussi en direct sur Eva RTF sur Facebook, vous pouvez nous adresser vos petits messages de fête des pères et on les dira en direct sur la radio. Et toi, t'as rien à dire, toi ? Pourquoi ? Tu n'as pas fêté à ton papa. Ah, c'est vrai, j'ai pas dit bonne fête à mon papa avec toutes mes excuses. Et bonne fête à mon papa. S'il nous regarde. Pas sûr qu'il nous écoute, mais il peut peut-être nous regarder sur Facebook. Tu n'as pas dit bonne fête à ton papa, Eric. Non, mais je vais y aller le voir alors. Je vais lui souhaiter en direct. Très bien. Très bonne initiative. Voilà, c'est plus simple comme ça. On en profite pour vous passer une petite info qui n'est pas très réjouissante. On l'a dit en début d'émission, Ricardo. Oui, le décès de Pedro Lima, grand acteur, Terrence Howell. Voilà, c'est depuis l'enfance. Moi, quand j'ai appris ça. 49 ans, ouais. Jeune. Ah ouais, vraiment. Au bord de la plage, il adorait la plage et ils l'ont retrouvé mort là-bas. Voilà, mais bon, le jour de l'été, c'est le jour le plus long de l'année, donc. Oui, on va essayer de garder le moral et n'oubliez pas de fêter la bonne fête à tous vos papas et d'écouter de la musique aujourd'hui, toute cette journée de fête de la musique un peu particulière. On le rappelle, pas grand-chose dans les rues de Limoges cette année. On ne va pas pouvoir fêter ça comme il se doit vu à la crise sanitaire, en fait. Mais bon, on vous a passé plus de musique que prévu ce matin dans le TDP. Oui. Oui, on a passé plus que prévu. Plus que prévu, non. Oh, on a passé plus que d'habitude. Pourquoi, il y avait quelque chose de prévu ? Non, plus que d'habitude, on peut dire. D'accord. Que t'es prêt, hein, fallait le dire. Hein. J'avais pas. Que t'avais tout préparé. Ah non, j'ai rien calé aujourd'hui. Ah, et pourtant, on s'en sort. Ah, on a un petit. Sur Facebook, on a un petit message pour un papa. Ça arrive. Qui bonne donc fête, Eric Amorim. Ah ben voilà. Merci. Et voilà. C'est bien. T'as eu ta fête en direct dans le TDP. Et oui, c'est ta petite fille. T'as souhaité la bonne fête. Mon téléphone tombe vraiment. Voilà, au niveau technique, on n'est pas. Mais tu le tiens avec ta main ? Non, je peux pas étenir et parler. Oh là là ! Je peux pas tout faire. Oh, c'est quoi ce technicien là ? Mais bon. On va remercier notre technicien, notre. Notre ingénieur du son. On a des techniciens et des ingénieurs qui du son. Qui prépare tout le matériel. On a une nouvelle personne dans l'équipe qui prépare. Il est bien, en tous les cas, il est bien là-bas. Ouais, il est très très bien. Il nous prépare en fait toute la technique. On arrive, Eric arrive à juste à poser son ordinateur et ses musiques et à mixer un peu. Le TDP évolue. On évolue. On rappelle qu'on n'est pas en studio, donc vous ne pouvez pas nous appeler au. Voilà, on ne peut pas. C'est la petite pente. On ne peut pas. Mais vous pouvez encore une fois nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On les rappelle encore une fois, Ricardo. Le TDP RTF 95.4 pour les bêtises du Snapchat du TDP. On n'a pas fait beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Mais... Non, je vais en faire un en fin d'émission. Parce qu'ils aiment bien ma phrase, moi, la phrase culte. Oui, exact. Le top du Portugal sur Instagram aussi. J'ai mis une petite story. Et le top du Portugal aussi sur Facebook, c'est important. Pour toutes les informations officielles. Oui, en ce moment, il y en a peu, on le répète. Hein, pourquoi sur les autres réseaux, c'est pas officiel ? Si, Instagram, oui, aussi, on peut en passer, mais après, les coulisses et tout ça, toutes les bêtises, c'est Snapchat. Oui, ça, c'est... C'est notre amusement, voilà. C'est le plus drôle. Exactement. Sur Insta. Sur Snap. Sur le TDP. On a un coucou des Vosges, Carlos Alberto. Des Vosges ? Ouais, ça nous écoute de loin. RTFlimoges.com, merci n'oubliez pas. Merci de nous suivre, ça nous fait plaisir et ça nous donne l'envie de continuer, surtout qu'en plus là on bricole, franchement on n'est pas en studio, on a réussi à monter un studio, merci à notre technicien 2 à notre ingénieur qui nous prépare ce studio aménagé pour qu'on puisse quand même être là parce que sinon, en tous les cas, c'est lui qui a la meilleure place en ce moment. Non, mais toi, tu l'as envie. Hein. Ouais. Non, là, tu l'as envie. Ouais. Tiens, on va changer de place. Tu vas venir ici. T'es. Un coucou aux saveurs du Portugal qui nous écoutent et à tous les restaurateurs qui ont repris. On les soutient parce que cette reprise n'est pas facile pour tout le monde. Donc, on soutient tous les restaurateurs portugais. Évidemment, de Limoges parce qu'on est à Limoges, mais aussi de toute la France. Et on aura peut-être une info la semaine prochaine pour quelque chose qui s'est créé pas très très loin de chez nous. On vous en dira plus la semaine prochaine. Sur le Eva RTF, sur le Facebook, le direct Facebook, on a un bonjour de Paris, Francisco Dominguez. Et bonne fête à tous les papas du monde. Merci de nous suivre aussi de loin. Emmanuel Fernandez, bonjour. Salut Jean-Charles. Il est toujours là, Jean-Charles. Jean-Charles, il est toujours là. C'est notre fan, Jean-Charles. On va le voir bientôt et peut-être qu'on l'aura en studio, avec nous en tout cas en direct un dimanche matin dans pas très très longtemps. Ça fait longtemps, depuis le mois de janvier que je ne l'ai pas vu. Eh oui. Le confinement. Eh oui, le confinement, j'y sais. Putain. Ah. Eh oui, je l'ai vu depuis le mois de janvier qu'on ne l'a pas vu. Eh oui, c'est vrai. Et on repartira donc pour cette année. On le redit, toutes les associations sont un peu en off jusqu'à la fin de l'année, mais tout est reparti en septembre. Un petit mot pour les Lusitanos de Limoges, le groupe de folklore portugais. Il comprend pas Jean-Charles. Il met des points d'interrogation. Le groupe de folklore portugais de Limoges qui va reprendre ses activités dès le mois de septembre avec, on le rappelle, un groupe folklorique à la recherche toujours de danseurs, de chanteurs, de musiciens, d'aide, de. Venez, comme vous êtes. Venez. Il y a aussi les cours d'enfants, cours de portugais enfants, mis en place par l'association, mais les cours sont donnés par Monsieur Ricardo Alves, qu'on salue également. Et c'est pas notre Ricardo à nous, parce que... Non. Ouais, et surtout qu'en plus, il faut rappeler que ce Ricardo qui donne les cours de portugais enfants dans l'association des Lusitanos de Limoges était le prof de portugais. Non, dis pas ça. et qu'il a tout oublié parce que Ricardo est un très bon prof. Enfin, Ricardo Alves. Oui. Pas Ricardo RTF. C'est qu'il avait des mauvais élèves, c'est différent. Oui, c'est ça. Les troubles faits. C'est un très bon prof qui est envoyé par l'ambassade. Donc, du coup, ces cours sont organisés par les Lusitanos de Limoges. Il y a également les cours. Adulte, avec Fernanda Fernandez, qui donne, et il y a encore de la place, qui donne ses cours tous les vendredis soirs. Donc n'hésitez pas aussi, ça repart dès septembre. Ça n'a pas eu le temps de commencer, mais ça va repartir dès septembre. Et il y a les cours de Zumba, animés par Sabrina. On la présente plus, Sabrina, dans la communauté portugaise ici, qui donne ses cours de Zumba tous les lundis soirs. Donc voilà, l'association Lusitanos se développe. Il y a de plus en plus de membres et de plus en plus d'activités, donc n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir commencer une activité en fait dès le mois de septembre. C'est à peu près à cette période-là qu'on commence de nouvelles activités, donc n'hésitez pas. Jean-Charles nous fait dire qu'on l'a pas vu depuis décembre et pas depuis janvier. Ah, depuis décembre, ben, encore plus. Il manque encore plus. Depuis l'année dernière, quoi. Depuis l'année dernière. Exactement. Incroyable. Merci encore de nous suivre et on va repartir en musique. Quand vous voulez. On repart avec qui ? Kalema. Avec Kalema. On les adore, par ici, Kalema. Restez bien à l'écoute sur le top du Portugal Radio RTF 95.4 pour la FM dans la région et www.rtflimoges.com pour tout ce qui est dans le monde, in the world. Vous pouvez nous suivre. Restez bien à l'écoute. À tout à l'heure. Partir do zero, yeah. Mostra-me com a tua dança. Aonde eu devo começar? Procurando o teu espaço. Aonde o posso me encaixar. Que eu tiro peça por peça. Tira, tira, tira. Que dá um sentido à nossa história. E a partir de hoje será para sempre. Só nós dois. Nós dois. Prometo que fico. Até de manhã. Até de manhã. Eu prometo. Mesmo que eu me solte, ela sempre tenta me atentar. Por exemplo, em ti, na teia até lá. Lançou o teu gelo, vou derreter. Só isso de um nome, no coração de ouro. Não é que eu não queira mais, alguém me mudou. Só nós dois, nós dois, nós dois. Prometo que eu fico. Delicado pra mim quando uma atração torna-se love. Quero dizer que faz você me composto. Espero pela tua voz quando toco uma porta. Perde aqui, tu está dando uma vez. Fez-me sentir que o nosso mambo é outro. Acho que tá na hora. Manda a lágrima embora. Essa chuva evapora. Quando encosta em estrelas. Esta noite dá-me só um minuto. Mas vê que eu consigo te carregar. Até de manhã. Até de manhã. Tempo agora e sermos só nós a falar por horas. Eu pegava na tua mão para lembrar o passado, quando não sabia que te queria do meu lado. E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti? E se você quiser pensar no futuro, trocar a distância por um lugar seguro, tu pegava minha mão com novos planos. Começamos do zero depois de tantos anos. E se eu disser que as canções todas que eu fiz falam sobre ti? Acabou. Sentido. Eu não sei o que fazer só pra te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto. O teu caminho ando perdido, mas sei que me custa aceitar. Só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter. Estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado como hoje. A saudade fez-me ver. Sei que estás feliz. Sei que estás feliz. Estás feliz. de retour sur le TDP, le top du Portugal. De retour ce dimanche, le 21 juin. Et on se retrouve pour ce grand endroit. C'est l'enfant. Oui, la fête de la musique s'est terminée. Et la fête des pères aussi. Ah, ah, est-ce qu'on nous entend bien? Nickel. En tout cas, quand même, avant de partir, on voulait encore une fois souhaiter une bonne fête à tous les papas. Ah, c'est vachement mieux. Une bonne fête à tous les papas qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont là et c'est leur journée. Alors, profitez-en bien. À la semaine prochaine. Est-ce que t'es là dimanche prochain? Non, je ne suis pas là. Excusez-moi. Il faut le dire aux auditeurs qui est là, qui n'est pas là. Non, je ne suis pas là. On se retrouve dans deux semaines. Deux semaines. Et toi, Eric, t'as pas le choix. Ça, parce que ça, on n'a pas de technicien, on n'a pas de radio. J'ai même pas besoin de parler, quoi. Mais non, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. On peut vous dire déjà, avant de se quitter, on peut vous informer de la date du dernier TDP. Ça sera dans deux semaines. Je serai là pour la dernière. Oui, exact. C'est le 5 juillet qu'on arrête cette année. Le 4. Le 5. Le 5. Est-ce que tu veux qu'on se batte? Et c'est tout ça, on arrête plutôt pour des raisons techniques aussi. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que cette année, elle est un peu particulière et que... Ça, tu m'étonnes. Oui, on arrête pour des raisons techniques, parce qu'on ne peut pas encore aller en studio. Mais dès la rentrée prochaine, on retournera en studio et on essaiera de mettre plein de choses en place pour aussi aller vous voir. Parce que du coup, avec le confinement, on a développé ça, avec le déconfinement. Donc on pourra reprendre quelques... On pourra s'exporter. Quelques directs extérieurs, donc on viendra directement vous voir et on vous fera passer toutes les infos. Et si vous voulez qu'on intervienne dans votre commerce chez vous, n'hésitez pas à nous le dire. À dimanche prochain, les gars. À dimanche prochain. Ah non, à dimanche prochain, Eric. À dimanche prochain, Eric. Encore une fois, bonne fête à tous les papas. Ciao, ciao. Ciao, ciao.